الحمد لله الحمد لله رب العالمين للونج est à Dieu Seigneur des univers أحل لك ما ينفعك il t'a permis ce qui est bien et utile pour toi وحرم عليك ما يضرك et il t'a interdit ce qui est nuisible pour toi لأنه يعلم ما لا تعلم parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. فَأَطِعُهُ تَنْجُو وَتَسْلَمْ Obéis à lui et tu seras sauvé. وَإِلَّا فَسَتَنْدَمُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ النَّذَمُ Sinon tu regretteras le jour où le regret ne te sera pas utile. أَحَلَّ لَكَ مَا يَنْفَعُكَ وَحَرَّمَ عَلَيْكَ مَا يَضُرُّكَ لأنه يعلم ما لا تعلم فأطعه تنجو وتسلم وإلا فستندم يوم لا ينفع الندم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. جمع في آية واحدة نعيم أهل الجنة وَبُؤْسَ أَهْلِ النَّارِ Il a regroupé dans un seul verset coranique le bonheur des gens du paradis et le malheur des gens de l'enfer. قَالَ تَعَالَى Il dit مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى L'image du paradis promis aux gens pieux est qu'il contient des fleuves d'eau inaltérée, des fleuves de lait au goût inchangé, des fleuves de vin, délices des buveurs et des fleuves de miel filtrés. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَزِيَادَ عَلَى ذَلِكَ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ Il dit en toutes sortes de fruits, ainsi qu'une absolution de leur Seigneur, sont-ils pareils à celui qui doit s'éterniser dans le feu de l'enfer et où on les a abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchira les intestins. أربعة أنهار في الجنة. Il y a quatre fleuves dans le paradis. Ma, un fleuve d'eau, wa halib, de lait, wa khamr, un autre fleuve de vin, wa asr, un autre fleuve de miel, wa thimar mutanawwi'a, et des fruits variés, liman ata'a Allah, pour celui qui aura obéi à Dieu. Wa ma'un sakhinun fi an-nar, et une eau bouillonnante dans le feu, yuqatti' am'a'a man 'asa Allah, qui déchire les intestins de celui qui aura désobéi à Dieu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est le messager de Dieu sincère et véridique. عند سدرة المنتهى lors du jujubier du terme فوق السماء السابعة au-dessus du septième ciel أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أقداح On a présenté au prophète prière et sur lui trois verres. قَدَحٌ فِيهِ لَبَنْ Dans le premier verre, il y avait du lait. وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلْ Un autre contenant du miel. وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ Et le dernier contenait du vin. قَبْلَ التَّحْرِيمِ Et ceci avant l'interdiction. فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اللَّبَنْ Et là où il était au-dessus des cieux, le prophète prière et salut sur lui a pris le lait. وشرب اي بو فقيل له اصبت الفطره انت وامتك متفق عليه on lui a dit tu as choisi toi et ta nation, la fitra, c'est-à-dire la disposition naturelle à être musulman, unanimement authentique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, au nombre des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Fi hadha al-usbu' al-ithnayn al-madi, lors de cette semaine, exactement lundi dernier, mata sab'ah wa juriha arba'ah, il y a eu 7 morts et 4 blessés bi sabab al-khamr, à cause du vin. Wa bi hadhihi al-munasabah atakallam al-yawm an al-khamr. À cette occasion, j'aborde aujourd'hui le sujet du vin. Et je commence par cette première question. Est-ce que l'islam a bien interdit le vin, l'alcool, ou bien non? Parce qu'il y a des gens qui disent, ils répètent et ils disent, soit avec savoir ou bien avec ignorance, كلمه الخمر حرام غير موجوده في القران. Ils disent que la phrase l'alcool ou bien le vin est interdit n'existe pas dans le Coran. اذن فالخمر غير حرام. Ils arrivent à la conclusion suivante, donc le vin n'est pas interdit parce que c'est pas interdit dans le Coran. ولكن قبل الجواب عن هذا السؤال, mais avant de répondre à cette question, أطرح سؤالا ثانيا, je pose une deuxième question. كيف كان العرب قبل الإسلام, comment étaient les Arabes avant l'islam? وفي بداية الإسلام كذلك فيما يخص الخمر, et même au début de l'islam en ce qui concerne le vin. الجواب, la réponse. كان العرب لا يستطيعون الحياة من غير خمر. Les Arabes ne pouvaient pas vivre sans vin et sans alcool. Ils aimaient le vin, un amour infini. Les meilleurs moments pour eux étaient, c'est lorsqu'ils sont assis et entre leurs mains il y avait l'alcool ou bien le vin. Et une femme qui chantait et dansait devant eux, jusqu'au point de devenir inconscient par ivresse. Il y a des poèmes qui décrivaient leur attachement à l'alcool. L'un d'eux dit, ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنها اللقاء. Nous le buvons et il nous transforme en roi et lion inébranlable lors de la rencontre d'ennemis. قالها حسان ابن ثابت رضي الله عنه قبل تحريم الخمر. C'était un poème dit par Hassan ibn Thabit, que Dieu soit satisfait de lui, et c'était avant l'interdiction du vin. ويقول آخر, un deuxième dit, لا يلد السكر حتى يأكل السكران نعله. L'ivresse n'est délicieuse que lorsque l'ivre mange sa sandale. ويرى القصعة فيلا ويظن الفيل نملة. Et il voit en l'assiette un éléphant et croit que l'éléphant est une fourmi. لا يلد السكر حتى يأكل السكران نعله. ويرى القصعة فيلا ويظن الفيل نملة. وقال آخر, un autre dit, إذا مت فادفني إلى جنب كرمة, كرمة عنب, تروي عظامي بعد موتي عروقها. Si je meurs, enterre-moi à côté d'une vigne dont les racines arroseront mes os après mon décès. شيئان لم يكن أحد يظن أن العرب تفارقهما. Deux choses. Personne ne pensait que les Arabes les abandonnaient. عبادة الأصنام وشرب الخمور c'était l'adoration des idoles et la consommation des alcools. وقد نجح الإسلام في إزالة الاثنين. Et l'islam a pu éliminer les deux. وَهَكَذَا حَقَّقَ الْمُسْتَحِيلِ Et ainsi il a réalisé l'impossible. Impossible n'est pas musulman. Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Dieu est très grand et il n'y a aucune divinité à part lui. نجاح الإسلام سره le succès de l'islam dans ce domaine a pour secret أن المسلم يحس بأن الله معه. C'est que le musulman ressent là où il est que Dieu est avec lui. فلا يستطيع الشرب ولو كان وحده. Et ainsi il ne peut pas consommer même lorsqu'il est seul. أما غير المسلم tandis que le non-musulman il لم يكن البوليسي فيشرب الخمر خفية وإن كانت الخمر ممنوعة في ذلك البلد. Mais le non-musulman en absence d'un policier il va consommer l'alcool en cachette même si l'alcool est interdit dans ce pays. وهنا أطرح السؤال الثالث. Et là je pose la troisième question. فإذا كان الإسلام قد استطاع إبعادهم عن عبادة الأصنام. Si l'islam a pu les éloigner, c'est-à-dire les Arabes, à propos de l'adoration des idoles, فَكَيْفَ فَعَلَ لِإِبْعَادِهِمْ عَنْ شُرْبِ الْخُمُورِ Comment a-t-il fait pour les éloigner de la consommation des alcools ? الجواب بالحكمة والتدرج. La réponse avec sagesse et d'une façon progressive. وبالإقناع من غير إكرار. Et avec convaincre sans contraindre. أربع آيات حرمت الخمر في عدة سنوات. Quatre versets ont interdit l'alcool en plusieurs années. آية في مكة, un verset dans la Mecque, وثلاث في المدينة, et trois autres à Médine. الآية الأولى, dans le premier verset, قال تعالى للمؤمنين في سورة النحل. Dieu a dit aux croyants dans le chapitre les abeilles, ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent, il y a certainement là un signe pour des gens qui raisonnent. ففي هذه الآية إشارة إلهية خفيفة. Dans ce verset, il y a une indication divine légère. بتحريم الخمر في المستقبل. Ça veut dire il y aura l'interdiction de l'alcool dans l'avenir. أين هي الإشارة? Où se trouve cette indication? أعيد. Je répète. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. الذي تنبه لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui fit attention le premier était le prophète. Prière et sagesse sur lui. فقد قال بعد الآية. Il a dit juste après la révélation de ce verset, إن ربكم ليقدم في تحريم الخمر. Votre Seigneur prélude à une interdiction du vin. السر فالله تعالى وتبارك. Le secret c'est que Dieu le Très Haut a qualifié là dans ce verset l'aliment préparé à partir des fruits par l'excellent. الله تعالى وتبارك وصف في هذه الآية الرزق المأخوذ من الثمار بالحسن رزقا حسنا ولم يصف السكر الخمر المصنوع من تلك الثمار بالحسن. Mais il n'a pas qualifié la boisson enivrante fabriquée à partir des mêmes fruits par l'excellente. بمعنى إذا كان واحد حسنا فالآخر قبيح. Ça veut dire si l'un est bon, ça veut dire l'autre est mauvais. سكرا ورزقا حسنا وما قال سكرا ورزقا وما قال سكرا حسنا ورزقا حسنا. C'est une boisson enivrante et un aliment excellent. وهذه آية لقوم يعقلون. Et il s'agit d'un verset pour des gens qui raisonnent. لهم عقل. Doué d'une raison. لأن العقل مهم. Parce que la raison est importante. وبما أن الخمر يضر بالعقل فلا بد من تحريمه. Et comme le vin nuit à la raison, donc il est nécessaire d'interdire le vin. والخمر بالعربية هو ما يغطي العقل. Et le mot vin en arabe, khamr, c'est la chose qui couvre, qui voile, est une sorte de voile pour la raison. C'est-à-dire, on devient, la raison devient absente. فَظَلَّ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ الْمُسْلِمُونَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَهِيَ حَلَالٌ عَلَيْهِمْ. Après ce verset, les musulmans continuèrent à boire l'alcool et c'était toujours licite pour eux. فَلَمَّا ذَهَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ, après leur départ à Médine, سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلْ وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنصَارِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Un groupe contenant Omar ont interrogé le prophète, prière et salut sur lui, à propos du vin et des jeux du hasard. وَقَالَ عُمَرْ, et Omar dit, اللَّهُمَ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. Ô notre Seigneur, donne-nous un éclaircissement satisfaisant concernant le vin, فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالْمَالِ وَالْعَقْلِ, car le vin élimine les biens et la raison, l'argent et la raison. فأنزل الله الآية الثانية. Et Dieu a révélé le deuxième verset, وهي قوله تعالى من سورة البقرة. Il s'agit du verset coranique du chapitre la vache. يسألونك, يعني هؤلاء الجماعة من بينهم عمر, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge sur le vin et les jeux du hasard, dit, il y a en eux un grand péché et des profits pour les gens, c'est-à-dire des avantages, et leur péché est plus grand que leur profit. فالنفع الموجود في الخمر, le profit ou l'avantage qui se trouve dans le vin, فهو الربح المادي, il s'agit du gain matériel des commerçants et des viticulteurs. يعني الربح المادي للتجار وللفلاحي العنب. Et ce plaisir passager éphémère des buveurs. Mais en ce qui concerne le péché et les dommages ou bien le désavantage sont énormes. C'est la perte de la raison et de l'argent. Et l'exposition au danger, al-maut, le danger de la mort, khatar al-maut, bil hawadith, soit par des accidents, ou bil amrad, ou par des maladies, ou à la ras al-amrad, al-saratan, et à la tête des maladies causées par l'alcool, se trouve le cancer. ولهذا فالنفع لا يساوي شيئا امام الاضرار, raison pour laquelle on va dire que le profit ou les avantages ne valent rien devant les dommages. وبعد نزول هذه الايه, après la révélation de ce verset, ترك قوم الخمر خوفا من الاثم الكبير, des gens ont abandonné le vin par crainte de ce péché énorme et grand. وَظَلَّ يَشْرَبُهَا قَوْمٌ مِنْ أَجْلِ الْمَنَافِعِ, mais d'autres continuèrent à consommer le vin pour rechercher les quelques profits. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. Ô notre Seigneur, donne-nous un éclaircissement satisfaisant concernant le vin. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أناسا من الصحابة. Par la suite, عبد الرحمن, fils de Auf, que Dieu soit satisfait de lui, invita un groupe de compagnons. فأكلوا عنده, ils mangèrent chez lui. وشربوا الخمر, et burent le vin. حتى السكر, jusqu'à l'ivresse. وعند الصلاة قرأ إمامهم في الصلاة, et lors de la prière, leur imam a lu, قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. Dit, ô mécréants, j'adore ce que vous adorez et nous tous nous adorons ce que vous adorez. فأنزل الله الآية الثالثة, et Dieu a révélé le troisième verset, وهي قوله تعالى من سورة النساء, qui se trouve dans le chapitre les femmes. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. فالهدف من الصلاة هو الخشوع والخضوع لله. Le but de la prière, c'est le recueillement et l'humilité devant Dieu. وفهم ما يقوله المصلي أو الإمام في الصلاة. Et le but aussi, c'est de comprendre ce que dit l'imam dans la prière, comme verset coranique. لهذا نهى الله السكران عن الصلاة. Raison pour laquelle Dieu a interdit à l'ivre de faire la prière. فما بالك بمن هو سكران من غير خمر بهموم الدنيا. Que dire de celui qui est ivre sans alcool, ivre seulement par l'ivresse des problèmes de ce bas monde. فَلَا يَعْرِفْ كَمْ صَلَّى وَلَا مَاذَا قَرَأَ الْإِمَامِ. Il ne sait pas combien il a fait d'unité de prière dans sa prière, et il ne sait pas, il ne se rappelle pas de la lecture de l'imam. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ. On demande à Dieu de nous préserver. وَبَعْدَ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ. Après la révélation de ce verset, صَارَتْ الْخَمْرُ مُحَرَّمَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ. Le vin est devenu interdit dans les horaires des prières. يعني بالنهار, ça veut dire interdit le jour. وشربوها ليلا, et quelques-uns continuèrent à le boire pendant la nuit, parce qu'il n'y a pas de prière après la nuit de l'Isha. ثم إن رجلا دعا إليه أناسا من الصحابة رضوان الله عليهم. Par la suite, un homme invita un groupe de compagnons. وكان فيهم سعد بن أبي وقاص. Dans le groupe, il y avait Saad, fils de Abu Waqas, radiallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui. Fa'akalu, ils ont mangé, wa sharibu, burent le vin, hatta sakaru, jusqu'à l'ivresse. Fa'tanashadu al-ash'ar, et après, ils récitèrent des poèmes. Fa'anshada rajulun shi'aran, un homme a récité un poème, fihi fakhra qawmihi, sharaf qawmihi, wa hija al-ansar. Dans ce poème, il parlait de l'honneur des muhajirin, et une critique vers les Médinois, les Ansars. فَأَخَذَ أَنْصَارِيٌ لِحْيَ بَعِيرٍ. Un Médinois a pris une mâchoire d'un chameau. فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ سَعَدٍ. Et il frappa avec la tête de Sa'd. فَشَجَّهُ. Et il la brisa. فَانْطَلَقَ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sa'd est parti voir le prophète, prière et sajouri. وَشَكَى إِلَيْهِ الْأَنْصَارِ. Et se plaignit auprès de lui du Médinois. Faqala Omar radiyallahu anhu, Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit: Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan. Ô notre Seigneur, donne-nous un éclaircissement satisfaisant en ce qui concerne le vin. Fa anzalallahu al-ayata ar-rabi'a wal-akhira, et Dieu a révélé le quatrième et dernier verset. وهي قوله تعالى من سورة المائدة. C'est le verset qui se trouve dans le chapitre le Fesna. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. الأنصاب هم الحجارة التي تكون الأصنام. الأنصاب هم الأصنام. والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu du hasard, les pierres dressées, ça veut dire les idoles, et les fléchettes de divination ne sont qu'un acte impur de ce que fait Satan. Écartez-vous-en, peut-être récolterez-vous le succès. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Le diable ne cherche qu'à introduire parmi vous les germes de la discorde par l'animosité et par la haine à travers le vin et le jeu, et à vous détourner de l'évocation de Dieu et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? فقال عمر انتهينا ربنا انتهينا. Et Omar dit: nous y avons mis fin, Seigneur, nous y avons mis fin. ونادى المنادي في المدينة. Et quelqu'un a fait l'appel dans Médine: الا ان الخمر قد حرمت. Le vin est devenu vraiment illicite ou strictement illicite. فرمى الناس الخمر في الأزقة. Les gens jetèrent le vin dans les rues. وكسروا الأواني. Ils cassèrent les accessoires du vin. وفهموا بأن الخمر صارت بهذه الآية تساوي الأصنام والشرك. الخمر والأنصار. الخمر والأصنام. Et ils comprirent que le vin est devenu, grâce à ce verset coranique, égal aux idoles et à l'association. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان. Le vin, le jeu, les pierres dressées ou bien les idoles, les fléchettes de divination ne sont qu'un acte impur de l'œuvre satanique. بمعنى alcool est devenu égal à idole. وكلمة فاجتنبوه هنا et le terme écartez-vous-en signifie ici أعلى درجة من مستويات التحريم, le plus haut degré d'interdiction. بمعنى إذا كان الخمر في ذلك المكان, ça veut dire, grâce à ce verset on comprend, si l'alcool, si le vin se trouve dans un lieu qui est là-bas, فلا تقرب من المكان, ne t'approche pas même du lieu. اجتنبه, reste à l'écart de ce lieu. بمعنى القرب من الخمر حرام, ça veut dire même s'approcher du vin est interdit. أما شربه فأشد حرمة, mais sa consommation est plus interdite encore. وهكذا استطاع الإسلام تحريم الخمر بالتدريج. Ainsi l'islam a pu interdire la consommation du vin progressivement. قالت عائشة رضوان الله عليها, عائشة كتيوس وساتيسفي ديل دي, أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار. Les premières révélations coraniques contenaient des chapitres qui parlaient du paradis et de l'enfer. فلما تاب الناس إلى الإسلام, et après ce que les, ou après que les gens se sont repentis vers l'islam, sont revenus vers l'islam, نزل الحلال والحرام. Il y a eu par là la révélation du licite et de l'illicite. ولو نزل أول مرة, et s'il y avait pour la première fois la révélation de لا تشرب الخمر, لقال الناس لا ندع الخمرة أبدا. Si Dieu dès le début a dit n'approchez-vous pas du vin, les gens diraient ou allaient dire on n'abandonne jamais le vin. وإلى جانب تحريم القرآن للخمر, et à côté de l'interdiction coranique de la consommation d'alcool, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرمها في عدة أحاديث. De la même manière, le prophète prière et sage lui a interdit la consommation du vin dans plusieurs hadiths. ولو لم يحرم القرآن الخمر, et même dans le cas où le Coran n'a pas interdit le khamr, وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد صحيح, لكانت حراما. Et je dis que même si le Coran n'a pas interdit le vin, et dans le cas où le prophète prière et sage sur lui l'a interdit dans un seul hadith authentique, l'alcool devient interdit, strictement interdit, grâce au prophète ou grâce au hadith du prophète prière et sage sur lui. من الأحاديث التي حرمت الخمر هذا الحديث المتواتر. Parmi les hadiths nombreux qui ont interdit le vin, il y a ce hadith hautement authentique, متواتر, عن 16 صحابيا كعمر وغيره رضوان الله عليهم. Ces hadiths rapportés par 16 compagnons comme Omar, que Dieu soit satisfait d'eux, قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit كل مسكر خمر, tout enivrant est un vin. Toute chose qui fait absenter la raison est un vin. Wa kullu khamrin haram. Et tout vin est interdit. Rawah Muslim, wa Ahmad, wa Tirmidhi, wa Abu Dawud. Rapporté par l'imam Muslim, l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi et Abu Dawud. Wa fi riwaya, wa kullu mustirin haram. Et tout enivrant est interdit. Rawah al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhum. Rapporté par l'imam Muslim, al-Bukhari et Muslim et d'autres. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit prière et saïe sur lui. Inna ala Allahi azza wa jal ahdan. Dieu s'est engagé. لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبار. يعني غدا يوم القيامة. Dieu s'est engagé de faire boire ce produit طينة الخبار à toute personne qui a consommé le vin dans la vie ici-bas. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبار. Ils disent au messager de Dieu, et c'est quoi ce produit طينة الخبار. قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. Il a répondu prière et saïe sur lui, c'est la sueur ou la transpiration des gens de l'enfer, ou bien le jus des gens de l'enfer. Rawahu l'imam muslim wa al-nasai, rapporté par l'imam muslim et l'imam al-nasai. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, prière et saint souris, ma askara kathiruhu fa qalilu haram. Le peu d'un produit dont la grande quantité rend ivre est interdit. Lorsqu'il y a un produit et on consomme beaucoup du produit, on devient ivre. Donc l'islam interdit la petite quantité de ce produit. Rawah Ahmad wa ghayruhu wa Tirmidhi wa Sahaha, rapporté par l'imam Tirmidhi qui l'a authentifié, ainsi que d'autres imams. Wa la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil khamr ashra. Et le prophète, prière et saint sur lui, a maudit à travers le vin 10. Asiruha, son fabricant. Wa shariboua, son buveur. Wa hamiloua, son porteur. Wa saqiha, son serveur. Serveur. Wa ba'iroua, son vendeur. Wa mushtariha, son acheteur. Il a akhiré, etc. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, prière et saint souris, thalathatu la yadkhuluna al-jannah. Trois n'entreront pas au paradis. Mudminul khamr. La personne alcoolique qui abuse dans la consommation d'alcool. Wa qati'ur rahim, la personne qui coupe les liens sacrés de la parenté, c'est-à-dire qui coupe avec ses parents. Wa musaddiqun bis-sihr, et la personne qui croit à la sorcellerie. Wa ba'da kulli hadha, après tout ce que je viens de dire, kayfa yaqulu qa'ilun al-khamr lam tuharram fi l'islam? Comment quelqu'un peut-il dire que l'islam n'a pas interdit le vin? أم كيف يشتري مسلم بماله خمرا تغيب عقله؟ Ou comment un musulman peut acheter avec son propre argent un vin qui va faire absenter ou éliminer sa raison؟ فالله شرفه عن الحيوان بالعقل. Dieu a honoré l'homme par sa raison, c'est-à-dire par rapport aux animaux privés de la raison. وهو يزيل عقله بماله ليصبح كالحيوان. Et lui, avec son argent, il va éliminer sa raison pour devenir comme un animal. Qala al-Qurtubi, l'imam al-Qurtubi dit, inna al-shariba, le consommateur, le buveur d'alcool, yasiru tuhkatan lil-uqala, devient une source de moquerie, de mépris pour les gens raisonnables. Fayal'ab bi bawlihi wa adiratihi, l'ivre joue avec ses urines ou avec ses selles, hatta ru'ya ba'dhum yamsahu wajhahu bi bawlihi. Jusqu'au point qu'on a vu à leur époque un homme qui essuyait son visage avec ses urines. ويقول, et disait, Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Et disait, ô mon Seigneur, fais-moi partie les repentis, waj'alni min al-mutatahhirin, et fais-moi partie les purifiés. وراوا واحدا سكران, ils ont vu un ivre. لحس الكلب وجهه, un chien a léché son visage. فقال للكلب اكرمك الله كما اكرمتني, et cet ivre a dit au chien que Dieu t'honore ou que Dieu t'anoblisse comme tu m'as anobli. لهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر مفتاح كل شر, raison pour laquelle le prophète, prière et saint sur lui, a nommé le vin comme la clé de tous les maux. وَسَمَّهَا أُمَّ الْخَبَائِثِ, et l'a nommé aussi le père des actions abominables. في حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول, dans un hadith rapporté par l'imam Uthman, fils de Affan, que Dieu soit satisfait de lui, il dit, j'ai entendu le messager de Dieu dire, كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد, il y avait avant vous un homme qui adorait Dieu, فعلقته امرأة, et une femme est tombée amoureuse de lui, فأرسلت إليه خادما, elle lui a envoyé son serviteur, إنا ندعوك لشهادة, on te demande à venir pour témoigner. فدخل, il entra, فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته, et chaque fois qu'il entrait par une porte, on l'a fermé derrière lui. حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة, à la fin il arriva devant une femme belle, وعندها غلام, avait à côté duquel il y avait un enfant, وباطي فيها خمر, et une bouteille de vin. فقالت إنا لم ندعوك لشهادة, on t'a pas, elle lui a dit, on t'a pas demandé pour témoigner, ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام, je t'ai convoqué pour tuer ce jeune, أو تقع علي, ou que tu dors avec moi, أو تشرب كأسا من الخمر, ou si tu refuses tout ça, tu vas boire seulement un verre de vin. فَإِنْ أَبَيْتَ فَضَحْتُ Si tu refuses, je vais te dévoiler chez les gens. فَلَمَّا رَأَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ Lorsqu'il a vu qu'il est obligé de faire l'une des choses, قَالَ إِسْقِينِ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ Il a dit, serre-moi un verre de vin, seulement. فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ Il a bu le premier verre. قَالَ زِدِينِ Il a dit, rajoute-moi. فَلَمْ تَزَلْ Elle a continué à lui verser du vin et lui, il buvait. حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا Et à la fin, il a dormi avec elle. وَقَتَلَ النَّفْسِ Et il a tué le jeune. يقول النبي le prophète dit فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا il a dit n'approchez-vous pas du vin par Dieu le Très-Haut jamais ces deux ne se rassemblent dans le cœur d'un homme la foi et la consommation ou l'abus d'alcool أقول في الأخير je dis à la fin لمن Pour celui qui va écouter ces paroles, min sharib al-khamr parmi les consommateurs de vin, haqad arafta bi anna al-khamr haram fi l'islam. Te voici maintenant, t'as appris ou t'as compris que le vin est bien ou est strictement interdit en islam. Wa ha huwa Allahu yaqulu lak, et voici Dieu qui te dit, hal antum muntahun, allez-vous donc y mettre fin, bimada satujib rabb. Qu'est-ce que tu vas donner comme réponse à ton Seigneur ? Intahayna ya Rabb, nous y avons mis fin au Seigneur, am asayna ya Rabb, ou bien nous avons désobéi, Seigneur. Aturidu an tashraba khamran ladidan fil janna, veux-tu boire du vin délicieux dans le paradis, am araqa ahli an-nar sakhinan fi jahannam, ou bien la sueur très chaude des gens de l'enfer dans l'enfer. فَيُقَطِّعْ أَمْعَاءَكْ Et ça va te déchirer les intestins. نَسْأَلُ اللَّهَ الْهِدَيَةِ لِلْجَمِيعِ On demande à Dieu d'orienter ou de guider tout le monde vers le droit chemin. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله serviteurs de Dieu ذكر تقرير عن إدمان الكحول قدم للحكومة الفرنسية منذ سنتين وقام بالتقرير إيرفي شابالييه. Un rapport fait sur l'alcoolisme écrit par Hervé Chabalier qui a été fourni au gouvernement français depuis deux ans. قال بأن في فرنسا 45 ألف يموتون بالخمر كل سنة. Le rapport dit que l'alcool tue en France, 45 000 personnes chaque année. Le rapport a souligné que l'alcool est égal à un danger. Et comme quoi l'alcool est une maladie dangereuse. Et ce rapport a demandé au gouvernement de lutter contre l'alcoolisme et de faire de celui-ci une grande cause nationale. Il a souligné que l'alcool n'est pas un produit ordinaire, mais c'est une drogue. وذكر كذلك بأن 10 من الفرنسيين مرضى بالإدمان. Il a souligné aussi que 10% des Français sont malades par l'abus d'alcool. يعني ما يقارب 5 ملايين. L'équivalent de 5 millions de consommateurs. Pas des consommateurs simples, mais de vrais consommateurs qui abusent. وبأنه السبب الأول لموت الشباب بفرنسا. Il a souligné aussi que l'alcool est la première cause de mortalité des jeunes en France. ويكلف عبئا ماليا للجماعات. et il constitue un fardeau financier lourd pour les collectivités. 17.5 milliards d'euros fi sana. Mous 17 millions d'euros là. 17 milliards d'euros fi sana. Un fardeau égal à 17,5 milliards d'euros par année, non pas 17,5 millions, non, milliards. وَلَقَدْ ذَكَرَ التَّقْرِيرَاتِ صِحِيَّةِ أُخْرَى بِأَنَّ الْإِدْمَانِ يَتَسَبَّبْ فِي مَوْتِ مَلْيُونَيْنِ مِنَ النَّاسِ فِي الْعَالَمِ سَنَوِيًّا. D'autres rapports médicaux ont souligné que la consommation d'alcool cause la mort de 2 millions dans le monde entier chaque année. Mithal, je vous donne un petit exemple, Soukan Qobros, ou Soukan Luxembourg, ou Soukan Malta. 2 millions, c'est le total des habitants de Chypre, de Luxembourg et de Malte. Ou Koul Soukan Al-Kuwait, ou bien tous les habitants du Koweït, 2 millions, qui meurent chaque année. Ou yatasabbab al-idman lil-kuhoul fil-maut, imma an tariq saratan al-hunjura. Et la mort, ou bien l'alcool, cause la mort soit par le biais du cancer du larynx, ou saratan al-mari, ou bien le cancer d'œsophage, ou saratan al-ma'ida, ou le cancer de l'estomac, ou saratan al-kabid, ou le cancer de foie. Il y a une tête saratanat, faqat min al-khamr. Plusieurs cancers de plusieurs organes sont causés par l'alcool. Et l'alcool cause des maladies cardiovasculaires, ou l'amrad al-aqliya, des maladies mentales, etc. Ou l'intihar aussi, il cause le suicide. Ou l'hawadit et les accidents, comme ce que nous avons vu au début de cette semaine, le lundi passé. Et ainsi on comprend pourquoi l'islam l'a interdit. Et l'islam a dit ses avantages dépassent ses dommages. Dans le passé, un médecin allemand dit اقفلوا نصف الحانات فرمي لا موتي دي بار اضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون. Et je vous garantis la non-utilisation de la moitié des hôpitaux et des prisons. اقول je dis فلو ان عدوا ارهابيا ياتي في كل سنه. Imaginons un ennemi terroriste qui vient chaque année ويقتل 45000 في فرنسا et tue 45000 chaque année en France. ويسرق 17.5 مليار أورو أي il vole 17,5 مليار d'euros ويعطي بعض المليارات أو بعض المليونات كمنافع للذين يساعدونه ويسهلون له الدخول للبلاد. Et en même temps, lorsqu'il prend 17,5 مليار d'euros, il donne quelques millions d'euros aux gens qui l'aident à entrer, lui facilite l'accès en France. أنتركه, allons-nous le laisser, cet ennemi, أم نحاربه, ou doit-on lutter contre lui, le combattre? هذا العدو الإرهابي هو الكحول. Cet ennemi terroriste s'appelle l'alcool. ومن بين الدول التي أعلنت عليه الحرب في القرن الماضي, parmi les pays qui lui ont déclaré la guerre dans le siècle passé, الولايات المتحدة الأمريكية, c'était les États-Unis d'Amérique. فمنع صنعه, ils ont interdit, où ils ont déclaré la prohibition de sa fabrication, وحمله, son transport, واستيراده, son importation, وتصديره, son exportation, وبيعه, et sa vente, العشرة المنعونة من طرف النبي صلى الله عليه وسلم, les dix maudits par le prophète prière et sagesse. وذلك بقانون مصوت عليه, c'était par une loi votée, وبدأ المنع من سنة 1920, la prohibition a commencé en l'an 1920, واستعملت الولايات المتحدة الأمريكية كل ما أوتيت من قوة لتطبيق هذا القانون. Et les États-Unis ont utilisé toute leur puissance et toute leur force pour appliquer cette loi, ولكنها فشلت, mais ils ont échoué à la fin. وأزالت المنع بعد 13 سنة في سنة 1933, et ils ont arrêté la prohibition après 13 ans, c'est-à-dire en 1933, لأن كثيرا من الوجهاء والسياسيين كانوا يشربون الخمر, parce qu'il y avait plusieurs dignitaires et plusieurs politiciens qui consommaient en cachette l'alcool. وبدأت السوق السوداء, il y a eu un marché de contrebande noire. وبدأت الجريمة المنظمة, il y a eu le crime organisé. وساعد المجرمون حتى القضاة المرتشون, les criminels de vente d'alcool était aidée même par les juges corrompus, la qualité des vins fabriqués illégalement était très mauvaise, et il y a eu plusieurs dizaines de milliers tombés malades à cause de cette consommation. Par exemple, la paralysie d'une partie du corps, qui ont causé ou qui ont coûté des sommes colossales pour les États-Unis, et il y a eu l'interdiction. Et à la fin, je dis, إذا أرادت دولة محاربة هذا العدو العدو الكبير للإنسانية si un État veut combattre ce grand ennemi de l'humanité الكحول يعني les alcools فيجب تضافر جهود كل الطاقات السياسية والدينية والجمعوية وأفراد المجتمع il faut ou bien c'est nécessaire d'unir tous les efforts d'additionner tous les efforts des gens ou des énergies des gens politiques, religieux, associatifs et les membres de la société. Cet État doit aussi profiter des expériences précédentes, et surtout l'expérience musulmane, qui a été couronnée par un grand succès. Des hommes qui adoraient, qui aimaient un amour fou, le vin, يرمون الخمور بأيديهم ils jetaient par la suite le vin avec leurs mains قائلين انتهينا ربنا انتهينا en répétant nous y avons mis fin Seigneur nous y avons mis fin أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إني داع فأمنه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب اللهم طهر مجتمعاتنا من الخمر ومن المخدرات ومن كل ما حرمت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل المسلمين الذين يشربون الخمور ويستهلكون المخدرات يتوبون إليك من قريب اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم احمنا واحفظنا نحن وأولادنا وبناتنا وأحفادنا في هذه البلاد وفي كل بلادك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة